Entraînement. Activité 5, page 47. Piste 34. Allô? C'est Léa. Est-ce que je peux parler à Tom? Oui, c'est moi. Salut Léa, ça va? Qu'est-ce que tu fais? Pas grand-chose. Je m'ennuie un peu. Moi aussi. Tu veux qu'on joue à quelque chose? Oui. Bonne idée. À quoi tu veux jouer? Je ne sais pas. Tu as des idées? On peut faire un jeu de devinettes. D'accord. C'est toi qui commences.